prêt pour un peu de nouveauté? C'est la chance au coureur! Bonjour et bienvenue à la Chance au coureur, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales reçues à ses fous pendant la semaine. Mon nom est Mathieu Plante, avec vous pour 3 heures de ces nouveautés toutes chaudes, toutes fraîches, toutes tièdes, dépendant des cas, c'est ce qu'on aime dire. On lance des choses sur les murs pour voir ce qui colle. Hein, cette semaine, on commence comme toujours du côté francophone avec des artistes tels que Les Amis au Pakistan avec Espace Libidinal. On a reçu un nouvel album de Mireille Bédard, Éclat de vie. Ginette avec Taxi Mickey. Zoé avec Tout va bien. On a reçu aussi un nouvel album des Risques du Plasmique, Nos Amis, avec Politiquement Acoustique. Mais on commence en single avec une pièce que nous venons tout juste de recevoir de Dominique Bouffard. Voici Tant pis, à la chance, au coureur. minutes en retard, mais les fusils sont pointés. En mon bureau, ma cellule, suis-je devenu prisonnier ou un mouton dans un plateau marchant comme un condamné? De retour de l'envers, ma tête vue dévissée, je suis comme une bouteille brassée par la marée. Le pire est à venir quand je te croise au souper. Finalement, la face est ici, puis le diable s'est bédoué. J'ai perdu la face, je retrouve plus mes traces. Il est temps de tout changer. Swing avec rien à perdre à la chance au coureur. Affamés, assoiffés de nouveautés, les fans du groupe Swing auront enfin une nouvelle pièce à se mettre sur les tympans pour préparer leur party de l'été 2007, dit leur document de presse. La chanson Rien à perdre fait son entrée dans les stations de radio, mais il faudra patienter jusqu'en septembre pour la sortie du troisième album du groupe Swing, Rien à perdre. Dans la plus pure tradition du techno-trad créé par Swing, c'est 3 minutes 29 de rythme endiablé, d'ambiance festive, de paroles percutantes qui s'adresse aux amoureux du trad arnaqué. C'est une révolution pour les oreilles de toutes les générations confondues. Après deux albums, de nombreux prix et plus de 600 spectacles, le duo Bénac-Goulet vous certifie que l'écoute du nouveau tube Rien à perdre va faire du bruit cet été, notamment au grand spectacle de la Franco-Fête à Toronto le 23 juin prochain. C'est toujours tellement rempli de compliments. Le groupe Swing.com et leur site web pour une philosophie positive sur un air rythmé. Quoi de mieux en ce début d'été? Dit la gang de Swing. Juste avant, c'était Dominique Bouffard avec son premier extrait Tant pis ici, qu'on a reçu en tout cas assez fou. Tant pis, le premier extrait radio de l'album de l'auteur-compositeur-interprète Dominique Bouffard est disponible. Le premier album de Dominique Bouffard a été produit par Crystal Music. Il va être lancé le 14 août 2007, réalisé par David Brunet. Il travaille avec Daniel Boucher, Yann Perrault, Mike Prévost et nos amis Tricot Machine. Le disque présente 12 chansons écrites et composées par Dominique Bouffard. Il est entouré des musiciens Simon Blouin à la batterie. Il travaille avec Vincent Vallière, Mike Prévost, Luc de la Rochelière et Dumas. Et plusieurs autres gens qui ont travaillé, entre autres, avec Frédéric Garicomo, Ariane Gauthier et d'autres. Originaire de Sherbrooke, Dominique Bouffard grandit à Kamouraska avant de s'établir à Québec à l'âge de 17 ans, en participant à plusieurs concours, dont Cégep en spectacle, le Tremplin de Déjoli et le Festival en chanson de Petite-Vallée. L'auteur-compositrice-interprète se fait remarquer dans le milieu de la musique très rapidement. Ses nombreuses collaborations à d'importants événements culturels lui permettent de voir son rêve se concrétiser en signant avec Crystal Music. Si vous voulez plus d'informations sur elle, allez voir le www.dominiquebouffard.com, dominiquebouffard.com. Le lien sera évidemment sur le unechance.com, le site de l'émission, très bientôt. Pendant qu'on passe à un autre album de Les Amis au Pakistan, qui s'appelle Espace Libidinal. C'est très intriguant. Voici tout de suite la pièce A-Z-A ou A-Z-A. À la chance, au coureur. À la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est fou 89.1. L'action doit être la même partout, mais wow! A-Z-A de Les Amis au Pakistan. Voici une deuxième pièce. Cendrillon, lave le poêle. À la chance au courage! Hey! Hein? Fais-moi donc une béchamel! Caramel, mortadelle, citronnelle, cannelle et miel, chocolat, avocat. Je suis la maîtresse de ma cuisine. T'es la maîtresse de ta cuisine. C'est moi qui mets à guiner sur le poêle. C'est toi qui mets à guiner sur le poêle. J'lance toutes mes boîtes de conserve. Hein? Comment? Par marque? Cendrillon, lave le poêle. Pour me mouiller à la besogne. Je suis c'est la chance au coureur. Pour une incursion dans la scène émergente, c'est fou 89.1. Retourne maintenant à sa programmation régulière. Vous écoutez la chance au coureur, on vient d'entendre le début d'émission le plus bizarre à vie, mais j'ai vraiment aimé ça. C'est les amis au Pakistan avec leur album Espace Libidinal. On a entendu trois pièces. On vient de terminer par un petit tour de Minoune. Avant ça, c'était Cendrillon Lave le Poêle et Aceda. Parlons un petit peu de ces amis au Pakistan. C'est un groupe de Montréal, un groupe d'électropop formé de Simon Tremblay à la musique, de Joël Chevalier aux paroles, Caroline Fournier à la voix, Jacinthe Fradette à la voix, Evelyne Miro à la voix et Solange Lavergne aussi à la voix. Ils ont une très très longue biographie sur leur MySpace. Vous pouvez aller voir le myspace.com/ les amis au Pakistan comme vous le croyez, ou encore lesamiaupakistan.com. Donc, si on est à Laval en 94, les amis dans la chambre de Joël Chevalier, alors âgé de 12 ans, s'amusent avec ses voisines à improviser des chansons sur des musiques instrumentales prises sur des vieux 45 tours. Malgré le dérangement que ça cause à ses parents, à cause des cris et de l'énervement propulsé par le fou naturel et l'absurdité déjà confortablement installée chez Joël enfant, les amis se produisent déjà. Les pseudo-albums avaient pour titre « Les amis au Yémen »,« Les amis en Iran » et bien sûr « Les amis au Pakistan » qui fut la plus touffue et aimée de ces cassettes. Le jeune Joël était à l'époque absorbé et fasciné par les pays islamistes et les femmes voilées, d'où les titres des albums. Laval, en 2002, les amis se reforment, les années passent et Joël, en fouillant dans ses vieux trucs, retrouve ses cassettes et décide d'en reprendre le concept en faisant chanter ses textes insensés et quelque peu dingues à ses amis actuels qui le suivent sans hésiter. Elles sont alors quatre. Bon, Jacinthe Fradette, Évelyne Miro, Caroline Fournier et Solange Lavergne. Cette fois-ci, Joël tente sa chance en expérimentant le côté musical. Le résultat est totalement sauté, mais manque de moyens techniques. Et là, l'histoire continue, jusqu'à la fin où ça dit « Quelle étrangeté se cache derrière ces fréquents silences ». J'imagine que le sens est dans le reste du texte. Allez voir myspace.com/ les amis au Pakistan ou encore le www.lesamisaupakistan.com. C'est un de mes finalistes, en tout cas, comme coureur de la semaine. D'ici la fin de l'émission, on va couronner, évidemment, l'album, l'artiste qu'on a apprécié le plus ici à la Chance au coureur pendant l'émission. Question de passer d'une chose sautée à une autre. On a reçu un nouvel album d'Iris Duplasmic cette semaine qui s'appelle « Politiquement acoustique ». Je vous lirai le texte tantôt qui vient avec. Pour l'instant, on écoute une pièce qui s'appelle « Je voulais être élu, cucu, cucu, à la chance, au coureur ». Moi j'ai menti, la manne que je t'ai promis, je ne l'ai jamais vue. Ce que je pouvais vraiment faire, je ne l'ai jamais su. J'aurais dû me taire, mais alors je serais passé inaperçu. Je voulais être élu, oui c'est vrai que je pue. Pitié pour moi, mesdames et messieurs, si vous avez cru que je ferais mieux. Je disais, je suis le changement, vous auriez dû comprendre, je mens. Vous qui vivez dans la peur, j'avais promis le bonheur. Rien de moins qu'un monde meilleur. Avouez, je vous ai même soutiré des fleurs. Je voulais être élu. Oui, c'est vrai que je pue. Je voulais être élu. Nous allons boucher les trous dans votre budget comme nous bouchons si bien les trous dans les rues. Prendre soin de votre bonheur psychique et comme nous prenons si bien soin de votre santé physique. Nous allons protéger les canards, les écureuils, les sapins, les fleurs contre la menace de la bande des communistes et de toutes sortes. Nous allons repeupler le pays en nous inspirant des mœurs des abeilles, des coquerelles et des lapins. Yeah! moment de silence. Voici maintenant le grand auteur des lecteurs. Que se passe-t-il sous le chapiteau? C'est la grande parade des animaux. Un pas à gauche, trois pas à droite, les vieux. Dernier tour de piste. Allez hop, un peu de poudre aux yeux. Le peuple se contente de voter, voire d'applaudir dans le grand cirque présidentiel. Retour, plus de résidus plasmiques à la chance aux coureurs. Je ne sais plus pour qui voter. Tous les candidats sont des pieds. Regardez-les parader. Ah, comme ils sont bien habillés. De la misère, ils vont nous libérer. Ils n'oublieront pas de s'amuser. Ils veulent tous aider les gens mal pris, mais sans déroger à la ligne du parti. Paré d'un foulard et d'une rose, s'avance vers moi la gauche. Paix et bonheur pour toute l'humanité, mais dans les limites du budget réalité. Nous allons répartir la richesse, nous allons soulager votre détresse. Chacun et chacune nous voulons aider, mais tout en respectant le cadre financier. D'un bâton et d'une cravate, on sonne à ma porte, c'est la droite. Nous rétablirons le bon ordre. Les délinquants, nous allons mordre. Nous ramènerons la prospérité avec discipline et fermeté. Mais ne vous inquiétez pas, nous resterons sages. Faut quand même pas trop baisser dans les sondages. Je donne mon X à un de ces crétins. Mais que voulez-vous, je n'y peux rien. C'est mon devoir de m'aider citoyen. Je dois laisser mon X à un de ces crétins. Il est toujours très prolifique, résidu plasmique à la chance au coureur. Ah, ce Claude Giroux qu'on aime donc ce qu'il fait. L'album Politiquement Acoustique est le tout dernier album des Résidus Plasmiques. On reçoit un album à chaque quelques mois qui souligne un événement, une fête. ou dans ce cas-ci, ben la politique. Et le texte à l'intérieur est très cocasse, le voici. Amis auditeurs, ne soyez pas surpris d'entendre des instruments électriques et électroniques dans cet album supposément acoustique, car nous avons bien inscrit politiquement acoustique, ce qui implique une part de mensonge. Bienvenue au royaume des petits foulards, des cravates et des cravaches, selon l'endroit où vous vous trouvez. Les politiciens de toutes sortes vont en prendre pour leur rhume, même si de par leur agissement, ils mériteraient bien une maladie plus grave que cela. Tellement bien dit. Si vous voulez plus d'informations sur Claude Giroux et les résidus plasmiques, allez voir le www.famillecg.com, famillecg.com. Il y a les MP3 complets de la plupart des albums. C'est aussi même sur download.com, sur last.fm, sur easyfolk et sur monkfunk.com, sur MySpace et sur YouTube. Oh, sur YouTube, j'ai pas vu ça encore. Il va falloir que j'aille voir ces vidéos de leur pièce « Pas de dessert pour les payeurs de taxes ». Fascinant, allez voir ça sur YouTube. En passant par le famillecg.com ou encore le www.unechance.com. Voilà pour les résidus plasmiques. On passe à une artiste qui s'appelle Zoé. Son album s'appelle Tout va bien. On écoute tout de suite sa première pièce, la pièce titre, et on parle d'elle au retour. À la chance, au coureur. Bonjour docteur, faut que je m'allonge. Faut m'écouter, me servir d'éponge. Faut que je vous raconte mon grand malheur. Difficile à dire en une heure. Mais voilà, faut que je vous explique. J'ai trop de bonheur, c'est horrifique. J'ai beau chercher un truc pas bien, je deviens dingue. Je deviens dingue parce que tout va bien, un vrai bonheur en masse, un mec aux petits soins qui jamais ne m'agace, des amis, des voisins qui sont vraiment sans sas, une maison, un jardin, j'ai de l'air, de l'espace, des parents, un petit chien qui sont vraiment coriaces, sincèrement tout va bien, j'en peux plus, ça m'angoisse, tout va bien, et tout va bien. Tout va bien. Alors docteur, je deviens mytho. Je m'invente une vraie vie sans cadeau. Mais faut que je vous dise, y a pas que ça. Je deviens nympho. En plus de ça, je pique les mecs de mes copines. Mais quoi? Mais quoi, je suis mal? C'est pas un crime? Vous comprenez ma maladie? J'ai rien à faire en fait, je m'ennuie. Tout va bien, un vrai bonheur fadasse. Un mec aux petits soins, vraiment inefficace. Des amis, des voisins, des cons et des blondasses. Une maison, un jardin, toujours rempli de crasse. Des parents, un petit chien, on dirait des carcasses. Hypocritement, tout va bien, ma vie me porte la poisse. Tout va bien, mais tout va bien, tout va bien. Alors docteur, le diagnostic, pas de pilule, faut pas que je me pique. Comment s'appelle cette maladie? La quoi? La bourgeoisomanie. Faut que je croie que je donne mon argent à des causes, des pauvres gens. Jamais de la vie, jamais de la France. Plutôt crever que donner un franc. T'es là seulement pour que j'allonge. Vraiment tu ne penses qu'à ta tronche. Bah tu n'es qu'un sale arnaqueur. Allez, au revoir, monsieur le docteur. C'est la chanson coureur. Vous êtes assez fou. Je fête nos 28 jours et un premier je t'aime. J'ai compté 13 retours. à mes 23 appels. Elle est la 120e qui partage mon lit. C'est vraiment le 7e ciel. Et en plus, qu'est-ce qu'on rit. Mais j'espère pour une fois qu'il restera plus d'un mois. Celui-là, je l'aime bien, particulièrement ses reins. Elle m'a pris pour amant, pour un amant content. J'ai vraiment l'art, ça va, celles qui me vont bien. Parce qu'il n'y a qu'au plus marre qu'il devient musicien. Pour battre ma mesure, oh ça je vous rassure. Au bout de 58 jours, 22 disputes et demi, 3 matins sans bonjour, 4 soirs Monopoly, 13 nuits de ronflement, l'insomnie fait son temps, 600 clopes écrasées, 5 trous dans le canapé. J'aimerais pour une fois pas laisser plus de moi. C'est pas que je suis méchant, mais elle ressemble à sa maman. Je l'ai pris pour amant, pour un amant content. Mais j'ai pas vraiment l'art de savoir ceux qui me vont bien. En plus, même au plus marre, c'est pas vraiment certain qu'avec ce qu'elle murmure, que tout ça vous rassure. Au bout de 3 ans et demi, 80 crises de nerfs, 3630 cris, je le mettrais bien sous terre. 2 tentatives de meurtre, d'abord l'empoisonnement. Ensuite l'étranglement, mais je laisse bien vivant. Tu l'as tué rien qu'une fois, juste pour qu'elle ne vienne pas. C'est qu'elle est vraiment chiante, je peux plus l'avoir vivante. Je vais prendre un autre amant, même s'il me coûte de l'argent. Mais un cas vraiment l'art de pas rester longtemps. On fêtera bien un jour notre dernier je t'aime. On sera devenu sourd à force de faire des scènes. Faut bien nourrir ceux qui aiment ça, tu sais. Hein? Mireille. Ah, Zoé. Zoé en premier qu'on a écouté. Zoé avec l'album Tout va bien et la pièce titre suivie de Amant content avec Arnaud. Renseignons-nous un petit peu sur Zoé avant de passer à cette Myriam Bédard que j'ai depuis le début de l'émission devant moi et que j'arrête pas de dire son nom à chaque personne. Donc, Zoé ne ressemble à personne et son premier disque lui ressemble, dit son document de presse. Blonde et belge d'abord, québécoise d'adoption ensuite, éclectique et électrique, amusante et battante aussi, ou bien ravageuse et originale. Au premier regard, plus d'un poncif conviendrait à Zoé. Elle a su s'en accommoder, en faire des atouts et en sourire aujourd'hui avec un second degré qui n'appartient qu'à elle. À la suite de prestations scéniques inoubliables, les membres de la société de production de Luc Besson, qu'on connaît bon évidemment de Le Cinquième Élément et d'autres films, Europa Corp, sont immédiatement conquis par cette jeune chanteuse. Zoé devient la première signature chanson de leur maison de disques. Ensuite, continue l'histoire pour dire « On se délecte de ces acrobaties d'amoureuses sur le fil de la vie, où les histoires de couple se muent en règlement de compte, accompagné de son compatriote Arnaud, où la jalousie devient un divin défaut, un tango argentin déstructuré, blablabla. Quand la pudeur empêche la confession, l'auteur se fait interprète, oui. Zoé s'approprie alors les répertoires inexplorés de Xavier Lacouture pour trouver un remède au mal à la terre. Zoé n'aime pas les droits chemins, préfère le charme à la beauté et les claques à la béatitude. Ce premier album est celui d'une fille puzzle dont les couleurs dessinent une fois réunies les traits d'une artiste singulière. Zoé a trouvé un style qui ne peut pas laisser bien longtemps indifférent. » J'ai un petit peu de difficulté à lire au complet le texte, mais enfin. Pour ceux qui aiment ça, Zoé, l'album s'appelle « Tout va bien ». Maintenant, on passe à Mireille Bédard. Son album, à elle, s'appelle « Éclat de vie ». Et voici la pièce « Les yeux doux à la chance ». Au coureur, à la radio campus de Trois-Rivières. La radio la plus impressionnante au monde, c'est Fou 89.fm. Sans rien dire, les pensées se lisent sans rien dire. Les yeux poétisent comme des miroirs le reflet de nos histoires. Sans rien dire, souvent s'improvise le désir lorsque l'on s'enlise dans un regard en faisant mine de se voir. Nous bâtiments nous transportent. Laissons-les chanter pour ouvrir les portes. Laissons les clés tomber. À la chance au coureur. Vous êtes assez fou. Et me voilà en exil dans ma propre ville. 15 jours à faire semblant que nous ne sommes plus amants. Voilà en exil, le cœur en péril. 15 nuits à rêver de toi, sachant pourtant que tu es là. Là, là, là, là, juste à quelque part. Oh, combien l'amour est parfois étrange. Tes yeux de velours qui soudainement changent. Tu voudrais crier mourir sur mes hanches, mais ton âme enlisée glisse et tu flanches. Je vais me permettre d'interrompre la pièce quelques petites secondes, comme ça pendant un couplet quelconque, pour vous dire que notre numéro de téléphone en studio, en direct le vendredi matin à 10h49, est le 819-376-5183. Nous acceptons les demandes de coupure de pièces. Si vous croyez que ça ne devrait pas jouer assez fou, mais bien à une autre station, appelez-nous tout de suite. Le 819-376-5183. Et je vous rappelle que si vous n'appelez pas, la pièce va continuer. 819-376-5183. Yeux de velours qui soudainement changent. Tu voudrais crier mourir sur mes hanches, mais ton âme enlisée glisse et tu flanches. Et voilà, ça fonctionne. C'est pour ça qu'on fait ça, c'est pour ça qu'on donne le numéro de téléphone. Pour que vous nous appeliez si vous n'aimez pas ça, et c'est fait. Donc, je remercie la personne qui m'a appelé. 819-376-5183 pour vos commentaires. Comme toujours, on adore les avoir. On ne dira jamais assez. On transitionne avec une autre artiste qu'on connaît, qui est elle aussi une fille. Donc, ça complète notre bloc de 3 filles. Mais celle-ci est une artiste qu'on apprécie. Elle s'appelle Ginette. L'album s'appelle Taxi Mickey. Voici la pièce titre à la chance. Au coureur. Serait au bout du monde, au fond de la brosse, que le vent te soufflerait vers moi. Serait au bout du monde, au fond de la brosse, que le vent te soufflerait vers moi. Thank you. pourrais bien être militaire, cosmonaute ou pèlerin, avoir passé ta vie sur les chemins de fer. Le vent te soufflerait vers moi. On a changé, puis on a trouvé quelque chose de bon. J'aime ça. La pièce titre du nouvel album de Ginette, Taxi Mickey, à la chance au coureur. Parlons un petit peu de cette Ginette, si vous ne la connaissez pas encore. Le voilà enfin sur les tablettes. Taxi Mickey, le deuxième album de Ginette, dit son document de presse. Ginette des champs, Ginette des villes, Ginette sur les routes, Ginette perdue dans ses pensées, Ginette amoureuse à l'aventure, en cavale. Taxi Mickey, le nouvel album de Ginette, c'est tout ça et bien plus. 12 nouvelles chansons comme de véritables cartes postales instantanées d'un quotidien où l'ennui n'est jamais au programme. Ginette, auteur, compositeur et multi-instrumentiste, offre un album où la vie et l'amour prennent des couleurs pop, tantôt vives, tantôt ensoleillées, parfois sucrées, parfois salées. Le monde de Ginette se transforme, ajoutant à son doux folk légèrement décalé des parfums d'électro vitaminés. Tous les textes sont de Ginette avec des collaborations de Stephen Faulkner, de Éloi Pinchot, de Gilles Bélanger, Mathieu Dastou aux musiques. Réalisé par Ginette et par Mathieu Dastou, l'album se consomme sans modération comme une glace en été. Un album tout en couleurs, coup de charme garanti. Voilà. Donc, le lancement de l'album était le 3 juin dernier à la quincaillerie. Hein? À la quincaillerie, c'est vrai. Et puis, ça dit que le nouvel album va être en vente. Est en vente depuis le 5 juin, ça fait que quelques jours. C'était le 5 juin, le lancement d'ailleurs. Waouh, le 3 avait l'air de... Ginette.ca et son site web, www.ginette.ca. Et son album s'appelle Taxi Mickey. On va entendre une deuxième pièce pour terminer cette première heure. Voici Comme une averse à la chance. Au coureur, à la radio Campus de Trois-Rivières. Fréquenter l'intimité, abaisser mon armure. Deuxième heure de la chanson coureur, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales reçues à C'est fou pendant la semaine. On vient d'entendre une troisième et dernière pièce de Ginette. Son album s'appelle Taxi Mickey et la pièce, elle, s'appelait On verra bien. Maintenant, on transitionne vers de l'anglophone. On a reçu seulement un seul album d'alternatif anglophone, un album de funk et beaucoup de Canadiens. C'est la prononciation officielle de Canadien. On commence par le groupe de blogueuses. Voici leur première pièce tout de suite à la chance. Au coureur. Un groupe que je n'ai pas le choix d'aimer parce qu'il s'appelle The Blogueuses. Voyons si j'ai tort. No bleeding hearts in the clubhouse. T'sais, on dit souvent de ne pas se fier à la couverture, mais... C'est certain qu'il faudrait pas se fier au nom non plus. On va quand même voir si la deuxième est pas meilleure. Vous écoutez la chanson courante au On écoute une troisième pièce de The Bloggers. Si vous voulez plus d'informations, myspace.com, ben on dit The Bloggers, mais vous êtes pas forcés, ça. Troisième pièce de The Bloggers, et je viens de voir le petit livret dans leur pochette, et il y a 30 pièces sur l'album d'environ une minute chaque. On écoute la quatrième, voici Marathon Man à la chance au coureur. Ok, c'est assez, je pense. Hein. The Bloggers, c'était vraiment, c'était quelque chose. Hein. C'était un événement, je pense, assez fou. The Bloggers, un groupe de garage. Sérieusement, sur leur myspace.com/bloggers, on peut apprendre que c'est un groupe de Vancouver que vous pouvez retrouver aussi sur le radio3.cbc.ca. Apparemment que CBC et Radio 3 font jouer The Bloggers, ou au moins l'ont déjà fait jouer. Vous pouvez voir un de leurs beaux tableaux artistique. C'est vraiment, on dirait quelque chose que j'aurais peut-être pas dû voir. On passe à un groupe de punk. Voici la formation Ceremonial Slips avec l'album Check Your Audio et la pièce titre Tout de suite à la chance. Oh, gars qui aurait peut-être dû l'écouter avant, mais c'est la chance au courage, c'est ça l'idée. Au 89.1 FM, la Radio Campus de Trois-Rivières. Yeah. Le nouvel album de Ceremonial Snips qui se nomme Check Your Radio, ça sort le 12 juin prochain. C'est un album de punk rock. Vous venez d'entendre deux pièces, Gazebo of Love, et juste avant c'était Check Your Radio, la pièce titre. Donc c'est un groupe de punk rock, comme je disais, de Welland en Ontario. Hein, quand même, belle place. Ils vont être en spectacle à Sherbrooke le... c'est dans deux jours. Dans deux jours, c'est dimanche, c'est visiteur direct, donc le 10 juin à 20h au Téléphone Rouge avec The Flatliners à Sherbrooke. Ensuite, à Montréal, à Québec, à Matane, à Moncton, à un paquet d'endroits. Et ensuite, ils vont revenir à Montréal en juillet. Donc, un bel été de tournée pour Ceremonial Snips. Encore une fois, leur album s'appelle Check Your Radio et ça sort le 12 juin. Vous pouvez aller voir le vidéoclip sur le myspace.com/Ceremonial Snips. On écoute une dernière pièce de leur part. Voici Mistake à la chance au courant. Au coureur et on transitionne avec quelque chose de complètement, mais il peut pas y avoir plus différent que ça. Voici The Mighty Antlers of Song. J'espérais l'avoir. The Mighty Antlers of Song à la chance au coureur. If you are an aphid egg, chances of survival are slim to none. If Chickadee should come and find you on the branch where you've been hiding over winter, 'cause she'll eat you. Vous écoutez la chance au coureur, la pièce Chickadee Attack, The Mighty Antlers of Song. Et puis voici Boy Before the Woods. It's a prequel au 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. That I am that I am. ignorant boy in the woods and song. Said I could not sing. Said you cannot sing at all. Two of the songbirds, the nightingale lark and the blackbird, the thrush said I could not sing. Said you cannot sing at all. I am unspoken. Tongue speechless. Six is for geldings. Hay is for horses. Arms pulled by a mule. I was pulled by a mule. Formation Les Petits avec Boy Before the Woods. It's a prequel à La Chance au coureur. Les Petits, c'est Gabriel Collins, Rebecca Taves ou Taves, Chris Vail à la basse, Chris Dadge à la batterie, Dolly Silito au Glockenspiel, une chorale de bons amis. Et puis un paquet d'autres genres, dont Andrew Wedderburn dans le rôle de la voix de Harlan le Cochon, quelque part là-dedans. Donc, ce qu'on a reçu, c'est un double EP, The Mighty Antlers of Song EP et Mighty Antlers 2, An Ark Full of Animals EP. On va écouter justement la deuxième pièce, vu qu'on a écouté les deux premières pièces du premier EP. On va écouter la première pièce, au moins, du deuxième EP. Et puis, je sais que j'ai des informations là-dessus, je vais aller les chercher, et puis on en parle tantôt. À la chance au coureur! Elle aussi va être l'intro de la prochaine, donc si on nomme un peu les pièces, Gymnopédie numéro 1, Sati, suivi de Stamen Attack, à la chance au coureur. C'est complexe, mais c'est comme ça. Nectar of flowers, a filament rising to an anther crouched silently. It's a trap. It is a trap. It is a trap. Et ça continue sur la pièce Best Tasting Wool in the Whole World. I was bathed by no tongue. I'm hardwired to helpless. Simply born senseless. With color blind eyes shut. Smallest disciplines. Nursing on nothing. Suffering here silently. Cold weather furless. Come on, come on, please. Come on, flock. 10,000 sheep could not be wrong, and we shall rise again as 100,000 wool socks. Come on, dead, but I'm hollering out. Retour Lightning Dust et plusieurs autres à la chance au coureur. Pleasure it is to hear thee with the bird as sing. The deer in the dale, the sheep in the vale, the corn springing. Pleasure it is to hear thee with the bird as sing. The deer in the dale, the sheep. Of sustenance, it is for man, it is for man. Then we always to sing him praise and thank him that, and thank and him thank him and thank and thank him thank and thank him that. Spring Carol de la formation The Petites à la chance au coureur. Et oui, c'est bien comme ça qu'on nous dit de le prononcer dans leur document de presse. The Petites, The Mighty Antlers of Song EP. C'est un groupe qui vient de... Ils viennent de Calgary, en Alberta. C'est un groupe d'indie folk, classique, opéra et vocal. Ils vont être en spectacle à travers Calgary cet été, en juin et en juillet. Les membres sont Gabriel Collins, Rebecca Taves, Seahorn, Matt Swan, Chris Vale, Donny Silito et Chris Dedge. Vous pouvez aller voir le myspace.com/thepetites, T-H-E-P-E-T-I-T-E-S, même si leur groupe en vrai s'appelle Les Petits. Hein, Les Petits, c'est tellement mignon. Encore une fois, The Mighty Antlers of Song EP. Ici, à la chance au coureur, voilà, on change d'artiste pour un autre groupe canadien qui s'appelle Lightning Dust. On écoute leur pièce Listened On et c'est le premier album éponyme le premier album éponyme par Amber Webb et Joshua Wells de Black Mountain. Éponyme, je sais pas ce que ça veut dire, par exemple, dans ce cas-ci, parce qu'il me semble qu'éponyme devrait être le nom des gens. Self-titled debut. Enfin. Voici leur pièce Listen Down de la chance au coureur. Peut-être que ça va avoir du sens une fois qu'on l'aura entendu, tu sais. Heard the sound from miles away, thumped in my ear like a drum. I was picked out of everyone, so I listened on. Took me out of a passion I'd imagined and sent me out on a search. If it hadn't rained so hard that night, I could have made it to your house by one. But sometimes when you're walking alone, you feel your mind start to lose control. That night felt like a vicious joke, but it killed me all the way up to you. Day shone a little less light, so you rebuilt the rooms. Taught me how to fall in my shadow, could have sunk me like a stone. But the stars shine brighter in the sky than the dust. rise from the dirt alone. But sometimes when you're walking alone, you feel your mind start to lose control. That night felt like a vicious joke, would kill me all the way peut-être pas, mais vous écoutez la chance au coureur au 89.1 FM. Écoutez la musique de demain, aujourd'hui. C'est fou, 89.1. Devoir me confesser, et dans un sens complètement pas religieux. J'adore le Canadien qu'on a aujourd'hui. C'est rare qu'on a du bon Canadien. J'adore ça. Après The Petites, maintenant on vient d'entendre Lightning Dust et c'était absolument magnifique. Donc leur album est apparemment éponyme. Hein? Lightning Dust doit être le nom du groupe formé par Amber Weber et Joshua Wells de Black Mountain. On a entendu les pièces Listened On et ensuite When You Go. Il nous en reste une troisième, Castles and Caves. Mais avant, parlons de Lightning Dust. C'est un groupe de folk rock. Mélodramatique popular, psychedelic de East Van en Colombie-Britannique. Vous pouvez aller voir leur site web sur le tobymurray.com, T-O-B-Y-Marie.com. Ça, c'est le site d'un de leurs amis. Ou encore le myspace.com/lightningdust. C'est des membres, encore une fois, Amber Weber et Joshua Wells. C'est piano acoustique, guitare acoustique, orgue. voix masculine, voix féminine et reverb. C'est les ingrédients un petit peu pour faire le groupe. Ils sont en spectacle présentement partout à Washington, dans l'Oregon, en Californie et un paquet d'autres endroits comme ça. Donc, pour aller entendre des pièces dont Listen Done, dont Castles and Caves, allez voir le myspace.com/lightningdust. Pendant qu'on écoute la pièce Castles and Caves, vous écoutez l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. La chance au courant. On passe à un autre artiste canadien. Voici The Ghost is Dancing. Ghost is Dancing avec We'll Make It. Voici Shuttles and Planes maintenant. Toujours The Ghost is Dancing. Now two scientists, a priest and a judge underwater. Now did I finally see the light? What are they doing there? They're all looking for a plan. In the moments I've been buried I've spent my life trying to be a man. I'll be a humble and dignified man. All the things I should have been. The shuttles and the planes. A big pop fly, I lost you in the light. The Ghost is Dancing avec Shuttles and Planes, une pièce de leur album The Darkest Spark à la chance au coureur. Et si vous aimez les 10 Canadiens qu'on a passés depuis tantôt, vous n'êtes pas les seuls, hein, parce que vraiment, on a eu beaucoup de bonnes choses. Et quelle autre émission, je pense comme ça, de bonnes choses canadiennes? Ça me dit quelque chose. C'est Édouard et Colombine, les lundis soirs à 18h. Hein? Soyez là. Hein? Moi, je vais être là, en tout cas. Donc voilà, The Ghost is Dancing, on a entendu juste avant la pièce We'll Make It. Au début, j'étais un petit peu pas certain de savoir si ça allait être bon, parce que la première pièce s'appelle September 01. Je me disais, ça fait déprimant, ça fait plate, septembre 2001. Mais bon, quand même, on va aller l'entendre tout de suite pour voir ce que c'est. À la chance au coureur. Je suis le même, moi. You've come to me for longer than you thought you would ever. Would you let me go? Would you let me know that you? C'est bon, mais j'aurais pas dû commencer par celle-là. Une chance que j'ai pas commencé par celle-là. Donc. The Ghost is Dancing avec September 01, une pièce de leur album The Darkest Spark. À la chance au coureur, regarde un petit peu c'est qui ça, The Ghost is Dancing. C'est un groupe d'indie pop de Toronto, en Ontario. Les membres sont Kevin Corliss, Jem DeLuca, Eric Crumans, Jamie Malchuk, Gabby Nadeau, Jonathan Atman et Ben Deschamps. Et Leslie Davies. Et Leslie Davies, le seul et unique. Ils vont être en spectacle à Montréal, à l'Absinthe, le 19 juin prochain à 21h. Ils vont aussi être à Toronto, Hamilton, Thunder Bay, Vancouver, Calgary, Kamloops et Edmonton. Allez voir les dates de spectacle et entendre des pièces dont We'll Make It et Shadows and Planes qu'on entend tantôt sur le myspace.com/. The Ghost is Dancing. Ils font partie de la mode des groupes qui aiment mettre plusieurs mots bizarres, puis un verbe, puis quelque chose, puis c'est bien à la mode. The Ghost is Dancing, et j'aime ça, c'est canadien. On passe à un autre groupe canadien qui s'appelle Les Hand Claps. Eh bien, Les Hand Claps, et non pas The Hand Claps. On écoute tout de suite la pièce Cacti Are Delicious Fruit, ou les cactus, c'est le pluriel de cactus, un cacti en anglais. C'est ça, c'est, il me semble en fait. Sont des fruits délicieux. C'est ce qu'on va entendre tout de suite. Oh, intéressant, intéressant, j'aime ça. Vous écoutez La Chance au coureur, on découvre les nouveautés musicales tous ensemble à La Chance. 1, 2, 3, 4. I'm taking a landscape too.

plus de hand claps. C'est à venir dans la troisième heure de la chanson au coureur au 89.1 FM. Liebe macht frei. Liebe macht frei. Je m'en festiche et chiche. Chacun son échec en check. Chiche, mon festiche et chiche. Chiche, mon festiche et chiche. Chique, mon plastique et chique. Chiche, mon pastiche. Chiche, mon festiche et chiche. Chique, mon plastique et chique. Chiche, mon pastiche. Chiche, mon pastiche et chiche. Plastique et choc, électrochoc, je me choque. Maybe, oh maybe, oh baby, oh maybe not. It may be too late for you to be mine tonight. Maybe, oh maybe, oh baby, oh maybe not. It may be too late for you. Plastique et chic. Chiche mon pastiche et chiche. Chaud est mon chapeau chamois. Chiche mon pastiche et chiche. Chiche mon pastiche et chiche. Chique mon plastique et chique. Chiche mon pastiche. Chiche mon pastiche et chiche. Chique mon plastique et chique. Chiche mon pastiche. L'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. On vient d'entendre les Hand Claps avec leur troisième pièce de leur mini-album EP de trois pièces, Pastiche. Avant ça, on avait entendu Liebe macht frei. Et avant, c'était Cacti, Our Delicious Fruit. Ça vient de leur EP. Malheureusement, pas plus de pièces que ça, mais bon, que voulez-vous. Les membres, tiens, non, parlons un petit peu d'une biographie d'eux, c'est vrai. Les Hand Claps de Montréal à San Francisco, cravate vinyle et cheveux graissés, deux chouettes DJ font résonner le meilleur du rock plastique et feutré. En juillet 2006, aux côtés d'aguichantes danseuses à gogo, distribuant volupté et sucette, ils discuteront la scène avec certains des plus grands DJ rétro lors de la populaire soirée new-yorkaise, le One Night Stand. L'objectif est carrément désinvolte, vous obliger à faire la fête sans retenue au son des succès yéyé francophones des plus kitsch. Lorsqu'ils ne sont pas derrière les tables tournantes, les Hand Claps s'arment d'une guitare, d'un farfisa et d'un laptop afin de remâcher à leur goût un répertoire varié et festif. Tout en assumant leurs fortes influences 50s et 60s, ils explorent les mélodies pop et les schémas rythmiques contemporains, visant la méta-régénérescence de cette musique par le traitement électronique. En octobre 2006, Daniel et Hugo font la partie de Lorraine, la rencontre de Lorraine Muller, qui est tout de suite séduite par ce projet électro-pop yéyé. Ayant fait partie du légendaire groupe ska The Kingpins et revenant à peine d'une tournée en Chine avec son plus récent projet Low and the Magnetics, la récipiendaire du prix Mimi Bête de scène du Montréal Underground met sa voix et son énergie créatrice au service des Hand Claps. Le trio s'approprie donc prétentieusement l'espace scénique afin de vous faire danser, à frapper dans vos mains, à vous déhancher, à faire le twist, à hocher la tête, à gueuler, à vous en foutre, le tout au son des pastiches chantées. Et ça termine en disant 1, 2, 3, 4. C'est essoufflant comme texte. Ils vont être en spectacle au Orchard Bar. En spectacle au Orchard Bar le 25 mai à New York. Ils étaient aussi le 20 mai à Montréal, le 10 mai et le 21 avril dernier. Voilà, aucun spectacle à venir, c'est dommage. J'attendais de pouvoir vous dire une... Ah ben tiens, ils vont être le 20 juillet à 21h. On me transporte ce message comme ça. Au Petit Campus, 21h, 20 juillet à Montréal. Ils ont passé par le palmarès francophone de CISM. Ils ont joué à Choc FM aussi, choq.fm. Et si vous voulez plus d'informations sur eux, allez voir le myspace.com/ les handclaps, LESHNDCLAPS. Et évidemment, l'adresse va être sur le www.unechance.com, qui est le site de La Chance au coureur. C'est là que vous allez retrouver tout sur l'information, toutes les informations de l'émission d'aujourd'hui et la balado-diffusion. Voilà ce que ma phrase voulait être au départ. Maintenant, on passe à un artiste canadien qu'on avait bien aimé quand on a reçu quelques pièces de sa part il y a quelques mois. Il s'appelle Will. Son album complet s'appelle By December. Et allez voir le myspace.com/Will. I Break Strings. Will, W-I-L. I Like Break... I Like... Hey, c'est dur, hein? Will, I... Break Strings. I Break Strings. Après quatre fois, on l'a, t'sais. Donc, voici Will tout de suite avec sa célèbre pièce. Non, c'est une pièce comme une autre, mais voici Wedding Dress à La Chance au coureur. Émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous à la radio la plus impressionnante au monde. C'est fou 89.fr. écoutez la chance au coureur. C'est fou, 89 ans. Take this hollowed moon, show you sometime soon things you could remember, and you would run out on this day and lie that you're okay. In turn, give me a finger. Don't throw these things away. You know that they get better. And I can say without a lie, things would be just fine by December. December. Well, it's time for me to prove that you I will not lose. I will treat you better. Try and stay just for a time. The truth is that I've lied. Une deuxième pièce qui m'a moins convaincu, mais j'ai quand même aimé ça. L'album s'appelle By December. C'est du folk rock alternatif rock de Vancouver en Colombie-Britannique. Vous pouvez aller voir son site sur ibreakstrings.com ou myspace.com/will, W-I-L, ibreakstrings. Danny, Janvier vient d'arriver, je l'accueille comme ça. Oui, bonjour Mathieu, et j'arrive avec des petits morceaux de nature. Des petits morceaux de nature, attends, donne-moi 30 secondes puis on va faire jouer ça. Pas de problème. Will va être en spectacle partout, aller voir son MySpace et écouter des pièces aussi. C'est pas mal tout ce qu'il y a à dire, mais c'est un musicien de talent, voilà ce qu'on pourrait dire. Ah, j'aime ça. Je tenais juste à dire au moins un commentaire, mais ça le décrit bien. C'est ça, oui, c'est ça, c'est comme nous autres. Ah oui. Bon. Danny, un petit peu de sérieux, là. Ben, pas très sérieux, non. Parce que c'est assez agréable. The National Park, nouvelle formation qui comporte un des membres qui était avec, qui avait le projet Freeworm, un gars qui fait de l'électronique à Montréal depuis des années. Et, il l'appelle un environnementaliste sonore. Parce que le gars aime bien aller utiliser des bruits de la nature, incorporer ça. Un peu à Cold Cut sur Ninja Tune qui faisait des cotes comme ça, qui prend des bruits de la nature, qui prend des bruits d'un peu tout, puis qui l'amalgame. Ça, c'était Freeworm. Mais il s'est associé avec deux autres personnes et ils ont bâti le projet de National Park. Et c'est un genre d'hybride. C'est un CD, deux CD, donc CD musique et CD DVD. Et c'est lors du DVD que la musique prend tout son sens. Parce que juste à l'écoute, moi, le CD, j'avais trouvé ça quand même pas ordinaire parce que c'est différent. Mais il y avait des harmonies vocales, des trucs un peu rap qui me dérangeaient. Mais quand on voit le DVD, c'est de voir l'amalgame images et sons. C'est visuellement comment? C'est des images de quoi? Ben c'est comme, mettons, on va voir, les gars vont être dans... C'était tourné dans le bois, justement, c'est pour ça, National Park. C'est filmé, genre, je sais pas, tu vas voir le gars qui prend une corde de bois puis qui la laisse tomber. Le bruit du bois qui fait... Wow. Mais là, il va être utilisé, il va être en loop. Tu vas avoir un gars qui cogne avec des roches à terre, tu vas avoir une petite rivière qui coule, tu vas avoir un gars qui donne un coup de pied sur une bûche ou un coup de scie mécanique. C'est vraiment, vraiment bien fait. Puis, la vidéo est super beau, les couleurs, c'est vraiment trippant. Et ça termine à la fin une sculpture de glace. On voit un gros bloc de glace, le gars il sculpte. Il sculpte une tête d'ours pour ensuite la détruire à la fin. Une tête d'ours parfaite, là, en ouais. Glace, cristal. Vraiment, les images sont vraiment, vraiment écœurantes. Ça a coupé le souffle. C'est très beau. Je pense que ça va aller loin, pareil, ce projet-là, parce qu'il y a déjà plein de monde qui en parle. Puis, c'est un album d'été, tout simplement. Et la pièce que je vous fais découvrir, c'est la pièce Border Patrol. Regarde, on voit qu'il tape sur du bois. Mm-hmm. Fait qu'on va écouter ça. À la chance au coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous, 89.1. Down to Mexico to Tijuana. Tijuana, here I go. I beat my drum down to Mexico to Tijuana. Here we go. Beat my drum down to Mexico to Tijuana. Tijuana, here we go. I beat my drum down to Mexico. The border patrol ain't got no control. 75 is the highway that I beat alone. Five beats to the marching band, the rhythm is strong. 75 is the highway that I beat alone. Five beats to the marching band, the rhythm is strong. 75 is the highway that I beat alone. Five beats to the marching band, the rhythm is strong. 75 is the highway that I beat alone. That I beat alone. Five beats to the marching band, the rhythm is strong. 75 is the highway that I beat alone. Five beats to the marching band, the rhythm is strong. 75 is the highway that I beat alone. Five beats to the marching band, the rhythm is strong. 75 is the highway that I beat alone. A 5-5-5-5-5-5-5. Beat my drum down to Mexico to Tijuana. Tijuana, here I go. Beat my drum down to Mexico to Tijuana. Here we go. Beat my drum down to Mexico to Tijuana. Tijuana, here I go. Beat my drum down to Mexico. Cause the border patrol ain't got no control. 75 is the highway that I beat alone. Five beats to the marching band, the rhythm is strong. 75 is the highway that I beat alone. Five beats to the marching band, the rhythm is strong. 75 is the highway that I beat alone. Five beats to the marching band, the rhythm is strong. 75 is the highway that I beat alone. A 5-5-5-5-5-5. We pack our homes. We're good. We lead the bones. We're good, we're good. We're good, we play the roads. We're good, we're good. We walk like the weather, we feet on the feather, we drum down the road somehow. Be emerald.

Sinon, ça vaut pas autant la peine. Non, exactement. C'est bon pareil. Mais... C'est très bon. La musique, justement, après avoir apprécié le DVD, on va écouter la musique. Et là, moi, je commence à vraiment l'aimer, la musique, mm-hmm. et je l'écouterai dans mon lecteur MP3. Mais il faut connaître la façon où l'album est monté. Donc, c'est dehors, c'est dans le bois, c'est The National Park. Et c'est très bon. Et on continue avec, tiens, sur notre lignée canadienne qu'on a commencé depuis quelques heures, je dirais. Et donc, on est rendu à The Wailing Jennies. On va entendre une pièce qui s'appelle Glory Bound et on parle d'elle après. On rendu là, on guesse un peu. On essaie. C'est ça. On lance des choses sur les murs, voir si ça colle. C'est ça. Si ça colle, on le fait jouer. Le reste, on le laisse à terre. C'est ça. Puis, si vous voulez nous appeler en studio, hein? Ben oui, le 819-376-5183. On prend vos demandes de coupure de toune. On va aller se faire plaisir parce que je sais que Metric, c'est bon. Oh. Donc, on va aller entendre une pièce du nouvel album de Metric qui s'appelle Grow Up and Blow Away. Voici Grow Up and Run. Non, and Blow Away, c'est bien ça. C'est juste écrit à la main. C'est beau. C'est la chance au coureur. Grow Up and Blow Away. Ah, c'est bien ça. Blow Away, elle l'a dit, tu sais. Faut faire confiance à la madame. Attends, celle qui dit Alléluia, on n'est pas obligé de faire confiance. Oh, je suis une bonne fille. À venir, plus de Metric. C'est bon. À la chance au coureur. C'est vrai que c'est bon. Giving for chances to leave the basement light. L'album Grow Up and Blow Away Et la pièce Hardwire à la chanson au courant métrique, un band de rock hein, du Canada, des États-Unis et d'un paquet d'autres endroits comme ça sont leurs membres. ilovemetric.com, c'est le nom de leur site. Les membres sont Emily Haynes à la voix et au synthétiseur, James Shaw à la guitare et la voix, Joshua Winstead à la basse et la voix et Jules Scott Key à la batterie. Si vous voulez plus d'informations, entendre des pièces et les voir en spectacle à Ottawa et à Toronto, allez voir le myspace.com/metricband. C'est un autre de mes finalistes pour Coureur de la semaine. Coureur qui sera couronné d'ici la fin de l'émission dans environ 25 minutes. Restez avec nous. Hein, Metric, génial. On passe maintenant à une autre formation canadienne parce que c'est notre gros bloc canadien. On a reçu beaucoup de disques dans ce thème cette semaine. Voici Socialite avec Broken à la chance au Coureur au 89.1 FM, la radio Campus de Trois-Rivières. C'est une pièce de leur nouvel album Change is Everything. Socialite, alternatif rock punk de St. Catharines en Ontario, au Canada. Le site web est Socialite Music. Socialite est écrit d'une façon particulière. C'est Socialite comme dans Lumière, L-I-G-H-T. À la fin, vous pouvez les voir en spectacle à Victoria, Kelowna, Lethbridge, Saskatoon et Fort Murray. Allez voir le myspace.com/socialitemusic pour voir ces spectacles aussi. Vous pouvez télécharger la pièce Broken et d'autres, dont Endless Summer Day, myspace.com/socialitemusic. Maintenant, on passe à un autre artiste, Danny Janvier. Bonjour, c'est moi. Ben, je vous présente mon album. un autre artiste, Danny Janvier. C'est ça. Bonjour. Bonjour, Socialite, bof. Je m'excuse, j'ai pas assez écouté. Ça, j'ai préféré mieux Metric, ça c'est sûr. Moi aussi, j'ai l'impression que Metric pourrait très bien remporter la panne. Oh, faut pas que tu dévoiles ça tout de suite. Peut-être, c'est dans les finalistes. Hein. Tout de suite, voici la formation Grandfather Fire and the Holy Morning. Hein? Ouais, belle pochette avec un nom fucked up. Hein? T'es pas mal fucked up de tous les bords, hein, je pense. c'est assez fucked up. Voici Future Ex-Girlfriend à la chance! Au courant. Thank you. un petit bloc rapid fire. Que les pièces tang, tang, tang. Hein? Une après. Gunfather Fire and the Holy Morning est le nom de la formation. On vient d'entendre la pièce Future Ex-Girlfriend. C'est un groupe de rock de Cowtown en Alberta, la ville des Vaches. Les VAR qu'on appelle. Vous pouvez aller voir le grandfatherfire.com ou encore le myspace.com/grandfatherfire. Les membres sont Brendan Fraser. Hey, le gars dans les films, là. Non, c'est pas lui, hein. Sûrement pas lui. Peter Glim, Richard Friesen, Marcus Overland et Zéro Schurman. Quand tu t'appelles Zéro, c'est un peu plat. Ouais. Tu pars désavantagé dans la vie. C'est ça. Ben, les gens ont pas beaucoup d'attentes envers toi, sûrement. Fait que tu risques de les impressionner. Tu vas les impressionner. Dans le fond, faut que tu penses très très négatif pour enfin du compte être surprise. Hein. C'est une belle philosophie de vie. Hein. J'aime vraiment ça. Voilà, maintenant on continue avec un autre artiste. C'est de la musique actuelle. C'est Les Ondes Silencieuses, Colleen. Et voici la pièce This Place in Time. Ça me fascine. On va voir c'est quoi. T'sais. Et plus tard, on couronne le coureur de la semaine. Et on écoute un petit peu de Capharnaüm. Intéressant. À la chance! Colleen. Ben, c'est très bon. Moi, j'aime ben, ça. Oui. C'est ça, j'essaie de comprendre. C'était Colleen l'artiste avec Les Ondes Silencieuses, le nom de l'album. Et ça, c'était la pièce This Place in Time. Là, on entend le début de Le Labyrinthe. En tout cas, Les Ondes Silencieuses, ça marchait. Hein? Le titre là, était assez bien choisi. C'est vrai. C'est comme rempli de silence, mais en même temps, c'est rempli de choses autres que du silence aussi. C'est complexe. Comme la chanson courante. Comme toi puis moi. Comme toi. Comme toi aussi. On continue avec un groupe qui s'appelle Capharnaüm ou Capharnaüm. Capharnaüm. On l'appelle. Un chevau. L'album s'appelle Le Soleil est une bombe atomique et voici la pièce atomique disco. À la chambre. Cours. Ah! Ah! Capharnaüm, avec la pièce Atomic Disco de l'album Le Soleil est une bombe atomique, pas Cacapharnaüm. Non, c'est pas très chiant. Capharnaüm, très bien. Moi, j'aime ça. La relation qui unit François et Marc-André Blanchard dépasse les liens fraternels. Une passion commune pour la musique, les guitares et le son. Pour plus d'informations et leur biographie, allez voir capharnaüm.biz. .bz, c'est rare qu'on voit ça, malheureusement. Voilà, donc pour Capharnaüm, maintenant, ben, c'est la fin de notre chance au coureur pour cette semaine. Oh non, c'est triste, qu'est-ce qui se passe? C'est la fin, non! Danny, merci. Ah, merci à ton superbe talent, Mathieu, qui nous enchante les matins. Merci de ton soutien moral. Ah, c'est vrai. Moi, je vous retrouve à La Connexion, l'émission d'informatique et de jeux vidéo avec Jonathan Leblanc et moi-même. C'est les jeudis, les samedis et les mardis à midi. Évidemment, les palmarès, c'est fou, les vendredis soirs à 17h, toujours en direct, et les jeudis à 14h. La chance au coureur est en direct les vendredis matin à 10h et en rediffusion les samedis et mardis à 14h. Ça en fait, hein? Restez là, les vendredis, c'est Rock Classique qui suit avec Alain Lefebvre dans quelques minutes. Si vous écoutez la rediffusion, eh bien, c'est OK Nouvela, l'émission de musique rétro francophone. C'est très, très bon. C'est génial. De la part de Danny Janvier, au revoir. Et de moi-même, Mathieu Plante, faites attention à vos genoux, bonne journée et bonne chance. Et on se quitte sur notre coureur de la semaine, vous l'aurez deviné. Oui, qui d'autre que Metric? À la chance au coureur! Looking into my only hiding place, the rhythm of a strange